Le mythe du bunker. Déjà en 1969, les généraux américains et leurs services secrets sont persuadés que les Nord-Vietnamiens ont établi leur QG dans un bâtiment fortifié enterré à 80 mètres de profondeur, quelque part au Cambodge, près de la frontière avec le Sud-Vietnam. C'est afin de détruire ce bunker que Richard Nixon, à peine élu président, donne l'autorisation de procéder au premier bombardement sur le Cambodge, malgré la neutralité de ce pays. C'est le début d'une terrible campagne de bombardement secret, décidée en toute illégalité, sans l'aval du Congrès. De 1969 à 1973, il y en aura plus de 3000 en tout, et des dizaines de milliers de civils cambodgiens seront frappés. Curieusement, c'est ce que nous disait M. X la semaine passée, le leader du Cambodge, le prince Sihanouk, ne proteste pas. Louvoyant depuis des années entre les communistes et les Américains, résolu à tout faire pour préserver la paix, Sihanouk a-t-il eu peur que son pays ne soit irrémédiablement entraîné dans l'engrenage de la guerre du Vietnam? Peut-être. Mais il est déjà trop tard. En 1970, un militaire pro-américain, Lon Nol, profite d'un voyage de Sihanouk en Europe pour s'emparer du pouvoir. Deux mois plus tard, des soldats américains et sud-vietnamiens pénètrent au Cambodge afin de couper les bases arrières des troupes communistes. C'en est fini de la neutralité du pays. Cette intervention directe des États-Unis, tout autant que les bombardements qui continuent, aura deux conséquences. Les combattants communistes du Viet Cong s'enfonceront dans le pays et renforceront les maquis déjà existants des Khmers Rouges. Et Sihanouk, réfugié à Pékin, appellera à la résistance et constituera un gouvernement en exil avec ces mêmes Khmers Rouges. Cinq années plus tard commencera l'un des plus grands génocides du siècle. Les premiers massacres au Cambodge ne sont pas le fait des Khmers Rouges. Ils sont perpétrés dès 1970 par la soldatesque de Lon Nol. Ouais, et qui sont les victimes alors? L'armée cambodgienne, je crois vous l'avoir dit, est mal entraînée, mal équipée. En essayant de réduire les bases du Viet Cong, les soldats tirent à tort et à travers, et de nombreux civils tombent sous leurs balles. Puis c'est le tour de l'importante communauté vietnamienne. Une communauté installée au Cambodge, c'est ça ? Oui, depuis fort longtemps. Et comme d'habitude, lors des périodes de troubles, on s'en prend d'abord aux étrangers. Une réaction nationaliste ? Les Vietnamiens ont toujours été haïs par les Cambodgiens. Et l'armée va se livrer à de véritables massacres dans cette communauté grosse d'un demi-million de personnes. Et mais l'allié américain laisse faire comme c'est... Washington proteste pour la forme, mais disons le franchement. Franchement, les Américains s'en moquent. Ils n'ont qu'un objectif, chasser les Viet Cong et les maquis communistes. Et pour cela, ils ont besoin de Lon Nol. Donc, ils ferment les yeux. Quand les Américains, je veux dire, vont-ils intervenir militairement au Cambodge? À la fin du mois d'avril 1970. Oui, c'est-à-dire très peu de temps après le putsch de Lon Nol. Un putsch qui a été téléguidé par Washington. Pour une bonne raison. Les troupes américaines ne pouvaient pas entrer au Cambodge tant que Sihanouk était au pouvoir. Mmh, ouais, toujours le mythe de la neutralité. Oui, alors même que depuis de longs mois, les B-52 ne cessaient de bombarder les franges du Cambodge. Mais Nixon et son fidèle Kissinger prétendront toujours qu'ils ont respecté la neutralité cambodgienne. Jusqu'au bout, Nixon aura même le culot d'affirmer qu'il ne désirait pas étendre la guerre au Cambodge, mais mettre simplement fin à la guerre du Vietnam. Et s'il autorisait ses militaires à attaquer les refuges Viet Cong, c'était uniquement pour garantir la neutralité du Cambodge. Ben voyons. Est-ce que l'intervention au sol des Américains va se décider aussi à l'insu du Congrès américain? Comme les bombardements secrets, vous voulez dire? Mais eh bien, effectivement, Nixon va une nouvelle fois violer la Constitution américaine et prendre seul la décision d'envoyer des soldats au Cambodge. Faut dire à sa décharge qu'à Saïgon, les généraux se faisaient pressants. Ils étaient toujours obsédés par ce fameux QG nord-vietnamien censé se trouver au Cambodge. Ah oui, le bunker enterré. C'est ça. Et pour eux, la destruction de ce QG permettrait de marquer un point décisif et de s'acheminer vers la fin de la guerre. Nixon les a écoutés avec d'autant plus d'attention qu'il voulait à tout prix se désengager du bourbier vietnamien. Ouais. À cette époque-là, il avait déjà commencé à faire revenir des troupes. C'est exact. Ouais. Il faut dire que l'opinion américaine était de plus en plus hostile à la guerre et ça grondait sur les campus. Nixon devait donc donner des gages aux Américains. C'est aussi dans cette optique qu'il faut considérer le rapprochement des États-Unis et de la Chine qui intervient justement au même moment. Un rapprochement dirigé contre l'URSS. L'URSS qui soutient massivement l'effort de guerre nord-vietnamien. D'autre part, Pékin n'est pas très enthousiaste à l'idée d'un succès nord-vietnamien. Pourquoi? Parce que ça se traduirait par une réunification du Vietnam. Oui, les Chinois qui ont souvent été dans le passé les ennemis des Vietnamiens préférerait au fond qu'il y ait deux Vietnam. Ah oui, comme chez nous autrefois, certains qui disaient aimaient tellement l'Allemagne, se réjouissaient qu'il existe en fait deux Allemagnes. D'ailleurs ça. Hein. Donc Nixon attend de Mao qu'il l'aide à se désengager au Vietnam. Ça ira même très loin. Je peux vous révéler que lors de conversations secrètes, Kissinger a même proposé aux Chinois de lâcher l'allié taïwanais contre l'engagement de Mao d'user de son influence pour aboutir à la paix au Vietnam. Enfin, ça signifie que Nixon était très pressé de conclure. Et c'est pour ça qu'il a accédé à la demande des généraux américains qui voulaient détruire le QG nord-vietnamien au Cambodge. Mais autant il est possible d'effectuer des bombardements secrets, autant il est difficile de camoufler un engagement direct au sol. Et très vite, ça s'est su aux États-Unis. Les parlementaires ont été alertés et le Congrès s'est fâché. Mais ça s'est traduit comment, là? Les sénateurs et les représentants ont exigé que les militaires américains se retirent. Ce qui s'est fait? Oui. Nixon était coincé. Et le retrait va bientôt avoir lieu. Les Américains ne seront restés que 2 mois au Cambodge. C'est encore une humiliation pour Nixon, ça. Assurément. Et c'est aussi un échec militaire. Car bien entendu, on n'a trouvé nulle trace de ce mythique QG souterrain. Mais l'échec ne se limite pas là. D'abord, il y a l'éparpillement des communistes dans le pays. Oui, déjà, on en a parlé là, la semaine dernière, des gens qui vont rejoindre les Khmers Rouges. Oui, hein. Mais pas tous. Les Nord-Vietnamiens sont très méfiants vis-à-vis des Khmers Rouges qui sihessentiellement soutenus par les Chinois. Sihanouk, je vous le rappelle, a trouvé refuge à Pékin. Et son gouvernement en exil dépend étroitement des autorités chinoises. Autre conséquence de l'intervention américaine et du retrait qui a suivi, les troupes de Hanoï peuvent maintenant se déplacer plus facilement au Cambodge. Et pour quelle raison? Quand Sihanouk était encore au pouvoir, les Nord-Vietnamiens étaient présents, mais restaient relativement discrets. Sous Lon Nol, une créature des Américains, ils n'ont plus ce genre de scrupules. D'autre part, l'armée de Lon Nol ne peut pas leur opposer une réelle résistance malgré le soutien logistique des Américains. Mais les bombardements américains continuent, hein, c'est ça. Ça doit quand même limiter la liberté de circulation des Nord-Vietnamiens. C'est juste. Mais il faut bien constater que malgré ces bombardements massifs et terriblement meurtriers, les Américains ne réussiront jamais à couper durablement la piste aux Chinois. Et donc le ravitaillement du Sud-Vietnam par le Nord. Oui, enfin je continue. L'initiative de Nixon va surtout avoir pour résultat de plonger le Cambodge dans la guerre. Là aussi, Sihanouk avait réussi à maintenir la paix dans son pays, Lon Nol est condamné à échouer car... Très vite, la guérilla à Khmer Rouge prend de l'importance. Dès 1971, elle contrôle presque les 2/3 du territoire cambodgien. C'est une guerre à la fois civile et militaire qui ensanglante le pays. Et il y aura jusqu'en 1975 200 000 morts par an. Et vous pointez carrément à la responsabilité des États-Unis. J'y suis bien obligé. Ce sont les Américains qui ont exporté la guerre au Cambodge. Je veux bien, mais à partir du moment où les Nord-Vietnamiens utilisaient le Cambodge comme base arrière, les Américains n'étaient-ils pas obligés d'agir? Non, car ils ont ajouté des souffrances aux souffrances. N'oubliez pas ce que je vous ai dit la semaine passée. En 1968, c'est Nixon qui a saboté les négociations de paix entre l'équipe du président Johnson et les Nord-Vietnamiens. Afin de se faire élire. Il s'est donc piégé lui-même et il a prolongé inutilement la guerre du Vietnam avec son cortège de drames. Il a même fait pire puisqu'il a étendu la guerre au Laos et au Cambodge. Un mot sur les Khmers Rouges, car j'imagine que vous allez maintenant me parler d'eux. Oui, bien entendu, les Khmers Rouges, je vous rappelle que c'est Sihanouk qui les a appelés ainsi, sont le bras armé du Parti communiste clandestin sous l'occupation française. En 1954, lors de l'indépendance, ils sortent de l'ombre. Certains créent un nouveau parti, d'autres choisissent d'infiltrer le mouvement de Sihanouk. Sihanouk est pourtant anticommuniste. Oui, et déjà les Khmers Rouges trouvent plus prudent de vivre dans une certaine clandestinité. C'est le cas de Pol Pot, dès son retour de France. Ah bon, parce que Pol Pot a fait ses études en France, c'est bien ça? Des études qu'il n'a d'ailleurs pas terminées, mais enfin passons. La vraie naissance du mouvement des Khmers Rouges, c'est 1967, rappelez-vous. Vous en avez parlé dans la première partie de cet entretien. Cette année-là, le gouvernement cambodgien, dirigé par le général Lon Nol... Avant le putsch, donc, et la déposition de Sihanouk. C'est exact. Lon Nol réprime brutalement une rébellion paysanne. Les Khmers Rouges décident alors de prendre le maquis et de propager la révolution dans les campagnes. Ils y sont rejoints par des militants de la gauche légale, tels Khieu Sampang. Oui, ce qui deviendra chef de l'État quand les Khmers Rouges auront pris le pouvoir, Oui, mais c'est surtout en 1970, après le renversement de Sihanouk et l'invasion militaire américaine, que les Khmers Rouges accroissent leur influence et leur contrôle sur les campagnes. Mais le Cambodge d'en bas. On peut voir les choses comme ça, oui. Bon, mais vous avez raison. Les Khmers Rouges entendent représenter les Cambodgiens les plus pauvres, c'est-à-dire les paysans qui forment plus de 80% de la population. C'est très important, car ce mouvement nationaliste et populiste va opposer la société rurale à la société citadine, jugée futile, paresseuse et corrompue. Et on verra en 1975 la terrible application de cette politique à Phnom Penh. Comment a été prise la décision américaine d'intervenir militairement au Cambodge? Voici la version de Christopher Hitchens, auteur d'un livre intitulé « Les crimes de M. Kissinger ». Dans la préparation de l'invasion du Cambodge en 1970, Kissinger fut pris entre le marteau et l'enclume. D'un côté, l'opinion de ses collaborateurs, dont plusieurs au début de l'invasion ont démissionné. De l'autre, le besoin qu'il avait de faire plaisir à son président. Celui-ci fut davantage à l'écoute de John Mitchell, son ministre de la Justice, et Bébé Rebozo, l'un de ses amis, que de ses propres secrétaires d'État et de la Défense, William Rogers et Melvin Laird, tous deux fortement sceptiques au sujet de l'élargissement de la guerre. Lors d'un épisode particulièrement croquignolet, Nixon, complètement ivre, téléphona à Kissinger pour discuter des projets d'invasion. Il passa alors le téléphone à Bébé Rebozo qui dit « Le président veut que tu saches que si ça ne marche pas, Henri, ce sera ta fête. » « C'est pas vrai, bébé ?» ajouta Nixon, articulant avec la difficulté caractéristique d'un homme ivre. C'est un des membres du personnel de Kissinger, qui ne devait pas tarder à démissionner, William Watts, qui a retranscrit cette conversation à laquelle il avait assisté. On peut affirmer que dans ce cas précis, le conseiller de sécurité nationale était soumis à une pression considérable. Néanmoins, il a choisi le camp de la faction pro-invasion et il a même fait du lobbying pour que l'invasion ait réellement lieu. Pour bien comprendre ce qui sera au printemps 75 l'arrivée triomphale des Khmers Rouges à Phnom Penh, il faut examiner la chronologie. 1970, on l'a vu, c'est donc la montée en puissance de la guérilla. Combien sont-ils alors? À peu près 4000 hommes armés, essentiellement armés par Hanoï. Oui, il existe donc une alliance entre les Nord-Vietnamiens et les Khmers Rouges. À ce moment, oui. Après tout, ils ont un ennemi commun. Oui, c'est-à-dire les États-Unis. Et tous ceux que les Américains soutiennent, comme Lon Nol, par exemple. Mais cette belle alliance ne tardera pas à voler en éclats. On le verra par la suite. En 1971, les Khmers Rouges contrôlent déjà, je vous l'ai dit, une grande partie du Cambodge. Deux ans plus tard, on estime qu'ils rassemblent plus de 20 000 combattants. C'est donc une force qui compte. Et qui sont-ils alors? De jeunes paysans, pour la plupart. Alors, je reviens à la chronologie. C'est en mars 72, si je ne me trompe pas, que les discussions entre Américains et Nord-Vietnamiens reprennent. Oui, après plus de 3 ans d'interruption. Hein. Oui, ça ne se passe pas trop bien. Pourquoi alors? Parce que Hanoï se sent plus fort qu'en 1968, malgré les bombardements, le minage des ports, les combats incessants au sud, la défoliation de zones entières. Les Nord-Vietnamiens tiennent toujours et infligent de lourdes pertes à l'armée américaine et sud-vietnamienne, malgré un engagement toujours plus important des États-Unis. Oui, alors, ils peuvent poser leurs conditions, c'est ça? Refus américain, c'est la rupture. Et en mesure de représailles, les B-52 bombardent à nouveau le Nord-Vietnam et endommagent gravement le réseau des digues. Mais à la fin de l'année, on se revoit. Les deux négociateurs sont Kissinger et le duc Tho, un membre du bureau politique du Parti communiste qui a la réputation d'être un guerrier. Ce sont les deux futurs prix Nobel de la paix. Hein. Je vous l'ai dit la semaine passée ce que j'en pensais. Bref, les discussions reprennent, les bombardements cessent, les ports nord-vietnamiens ne sont plus minés et en janvier 73, un accord est signé à Paris. Et rappelez-moi, là, que prévoit cet accord? D'abord, un cessez-le-feu immédiat dans tout le Vietnam. Ensuite, les troupes américaines doivent partir dans les 60 jours et les prisonniers seront libérés. Et les soldats nord-vietnamiens alors qui combattent au sud Il est prévu qu'ils se replient derrière le 17e parallèle. C'est-à-dire la frontière entre le nord et le sud. Telle qu'elle a été fixée en 1954 par les accords de Genève. Enfin, les deux belligérants annoncent que la réunification des deux Vietnams doit se réaliser par étapes et par des voies pacifistes. Il y a un oublié dans tout ça, c'est le président du Sud-Vietnam. Le général Thieu, ouais, en effet. Ouais. Il est clair que les États-Unis ont décidé sinon de le lâcher, du moins de le tenir à l'écart. Ouais. Est-ce que la question cambodgienne a été explicitement évoquée là? Non. Et là-bas, la guerre fait rage entre les partisans de Sihanouk et donc les Khmers Rouges et l'armée de Lon Nol, toujours soutenue par les États-Unis. Malgré d'intenses bombardements, 40 000 bombes par mois, les maquisards remportent plusieurs victoires et menacent même la capitale. Il faut que les B-52 interviennent pour desserrer provisoirement l'étau autour de Phnom Penh. Alors, revenons brièvement là, aux accords de Paris. Est-ce qu'ils sont appliqués? Plus ou moins. Et plutôt moins que plus. Si on assiste, par exemple, à des échanges de prisonniers sur le terrain, c'est loin d'être la paix. Les Nord-Vietnamiens, toujours grâce à la piste Ho Chi Minh, renforcent leur position au sud. Quant aux Sud-Vietnamiens, qui ont, non sans raison, l'impression d'avoir été floués, ils multiplient les coups de main et violent le cessez-le-feu. Mais pour le rendre caduque? Naturellement. Et les Américains? Ils vont respecter leur signature, en partie. Après de nombreuses autres discussions dont je vous passe le détail, ils évacuent le gros de leurs troupes et abandonnent leur base au sud vietnamien. Il demeure quand même 15 000 Américains sur place. Officiellement, ce sont des ingénieurs ou des techniciens. Oui, mais en réalité, ce sont des militaires qui sont là pour aider l'armée sud-vietnamienne. Bien sûr. Ouais. D'autre part, la 7e flotte continue à naviguer dans la région. Et puis, il existe toujours des bases aériennes en Thaïlande ou dans le Pacifique. Ouais. Donc, la guerre peut recommencer à tout moment. Oui, mais il faut tenir compte aussi de l'affaiblissement de Richard Nixon. L'affaire du Watergate, oui. La découverte par le Congrès américain des missions secrètes de bombardement au-dessus du Cambodge. Une autre affaire qui pourrait lui causer de graves ennuis. La falsification de documents militaires est un crime de la plus haute importance aux États-Unis. Mais vous savez ce qu'il adviendra par la suite. Nixon, contraint à la démission en 1974, on oubliera les fautes qu'il a commises au sujet du Cambodge. Et finalement, il ne sera pas poursuivi. Oui, il n'y a que la démission suffisait. Oui, sans compter que si on avait intenté une action en justice contre lui, il aurait fallu aussi mettre en cause beaucoup de monde. Tous ceux qui savaient ? Pas mal de généraux, des membres du Conseil National de Sécurité et naturellement Henry Kissinger. C'était très embarrassant. Oui, bon, effectivement. Et la suite alors? Tant au Sud-Vietnam qu'au Cambodge, c'est l'enlisement, une sorte de statu quo meurtrier. Alors le Vietnam, le Viet Cong, ou plutôt le GRP, le gouvernement révolutionnaire provisoire, combat avec acharnement les troupes du général Thieu. En fait, ce sont les Américains qui continuent à se battre par Vietnamiens interposés. Hein? Oui, c'est certain. Mais aucun des deux camps n'arrive à s'imposer militairement. Toutefois, il devient de plus en plus clair que Thieu ne pourra pas durer très longtemps. Son régime est affaibli, corrompu, et les Américains finiront par le lâcher et abandonner définitivement la partie. Et au Cambodge? C'est pareil. Pourtant, les Khmers rouges, la MVOD, semblaient sur le point de triompher. Oui, mais ils reçoivent moins d'aide des Nord-Vietnamiens. Pourquoi alors? Hanoï ne veut pas envenimer la situation. La priorité, c'est les accords de Paris. Une explosion généralisée au Cambodge donnerait un prétexte à Washington pour réintervenir directement. Et les Nord-Vietnamiens considèrent alors que tant que Washington se contente de fournir des armes à Long Nol, ça leur suffit. Ouais. Ça veut dire qu'ils laissent un peu tomber les guerrilleros cambodgiens. Hein? Oui, oui. Alors, car je vous l'ai déjà laissé entendre, Hanoï, qui est soutenu par l'URSS, prend ses distances avec les Khmers rouges qui entretiennent, eux, des liens très étroits avec les Chinois. Kissinger essaiera d'ailleurs d'exploiter l'affaire. Il tentera, via Pékin, d'entamer le dialogue avec Sihanouk. Avec comme résultat? Rien. Non pas que Sihanouk se soit montré hostile à un dialogue susceptible de ramener la paix, mais les Khmers rouges, qui sentaient la victoire à portée de main, n'entendaient pas reculer. Et ils ont contraint leur allié Sihanouk à refuser un compromis avec Washington. Ça ne sera pas toujours le cas, on le verra plus tard. Que voulez-vous dire là? Allons pas trop vite. Mais je peux d'ores et déjà vous le dire. Les Khmers rouges seront un jour soutenus par les Américains, après le génocide, pourtant. Dans l'excellent ouvrage « Les mondes rebelles » publié par les éditions Michalon, j'ai trouvé cette analyse sur les rapports sino-soviétiques à l'heure de la guerre du Vietnam. Avec la rupture sino-soviétique, l'Indochine du début des années 60 était devenue un enjeu de rivalité entre les deux grandes puissances communistes. La Chine, sponsor du Vietnam lors des confrontations avec la France et les États-Unis, veut éviter qu'il ne tombe dans l'orbite soviétique. Mais dès le début des années 70, les relations se sont tendues. Le Vietnam suspecte, avec raison certainement, la Chine d'être peu favorable à sa réunification et lui reproche de se rapprocher des États-Unis pour contrer l'expansionnisme soviétique. Par ailleurs, malgré le soutien que la Chine lui a apporté lors des derniers conflits, le Vietnam n'a pas exorcisé sa phobie de la puissance envahissante de l'Empire. Il ne s'est libéré de sa tutelle qu'au Xe siècle et depuis, des conflits ont régulièrement éclaté entre les deux pays. La Chine, pour sa part, reproche à son ancien protégé de s'émanciper et de se rapprocher à grandes enjambées de l'URSS. Face à cette poussée soviétique, la Chine ne pouvait voir en Pol Pot qu'un allié de choix à soutenir impérativement. C'est au début 1975 que les Khmers rouges lancent leur grande offensive sur Phnom Penh. L'aide chinoise a puissamment remplacé celle des Nord-Vietnamiens. Et donc celle des Soviétiques. Bien sûr. Donc les Khmers rouges sont maintenant capables de l'emporter. La capitale cambodgienne, encerclée, vit un véritable calvaire car elle est surpeuplée. Tous ceux qui ont fui l'avancée des Khmers rouges y ont trouvé refuge. Et comme les routes sont coupées et que la voie fluviale est contrôlée par les assaillants, c'est un pont aérien incessant qui ravitaille Phnom Penh. Un pont aérien américain, j'imagine. Oui, on va retrouver là quelques-uns des aventuriers de Air America. Oui, la compagnie aérienne de la CIA. C'est ça. Des types qui vont prendre des risques incroyables. mais finalement inutile. Parallèlement, il faut le noter, les troupes du GRP vietnamien progressent partout au sud. L'armée de Thieu, démoralisée, recule parfois sans même combattre. Sur les deux fronts, alors, les alliés des Américains sont donc en train de perdre. Oui. Au tout début du mois d'avril, Long Nol s'enfuit par les airs. La fin est proche. 10 jours plus tard, c'est l'ambassadeur et tout le personnel diplomatique américain qui quitte Phnom Penh. Encore quelques jours, et les Khmers rouges entrent dans la capitale. Ah, je me souviens encore de ces images, hein. Ces petits hommes vêtus de noir, là, avec leurs sandales fabriquées avec des morceaux de pneus. Hein. Ouais, les combattants qui sont accueillis comme des libérateurs. En Occident aussi, où la presse de gauche applaudit. Mais aussitôt, l'impensable se produit. C'est, je crois, me le rappeler, le 17 avril, que les Khmers rouges s'emparent de Phnom Penh. Dans la journée même, les déportations commencent. Mmh. On vide la ville, quoi. Il existait donc un plan d'évacuation. Certainement, tout était prévu, planifié. Et ça va continuer dans les jours qui suivent. C'est pratiquement toute la population citadine qui est obligée de partir à pied vers la campagne ou des camps de concentration. Les troupes Khmer rouges, qui, je vous l'ai dit, étaient essentiellement constituées de jeunes paysans, fanatisés, prenaient leur revanche sur la ville qu'ils haïssaient. Mmh. Il y a aussi des massacres. Bien entendu. Tous ceux qui ont été des collaborateurs du défunt régime de Long Nol et qui n'ont pu fuir sont exécutés. D'autre part, une nouvelle fois, la communauté vietnamienne est victime d'exactions. Car les Khmers rouges sont, si je puis dire, d'abord Khmers. Et ils vont procéder à une véritable épuration ethnique. Mmh. Et c'est à peu près au même moment que Saïgon va tomber. 15 jours après, oui. Et à cette occasion, les Américains connaissent une des plus grandes humiliations de leur histoire. Vous vous souvenez des images pitoyables de leur départ de Saïgon? Ah oui, tout à fait. Oui. L'évacuation précipitée de l'ambassade et ces hélicoptères qu'on jette à la mer car il n'y a plus de place sur le pont des navires de la marine. Mais revenons au Cambodge, devenu le Kampuchea démocratique, car ce qui s'y passe est proprement inimaginable. Même si à l'étranger, on est très mal informé. Oui, parce que les journalistes ont été chassés. Hein, oui, c'est grâce à des réfugiés qui ont réussi à s'enfuir en Thaïlande que peu à peu, on va comprendre. Et qu'on saura enfin qui sont ces Khmers rouges accueillis comme des libérateurs. Les nouveaux maîtres du pays veulent vraiment faire table rase du passé et construire un nouveau Cambodge. Pour eux, l'année 1975 est l'année zéro. Exactement comme si l'histoire de leur nation commençait avec leur arrivée dans Phnom Penh. Ouais. Qui commande? L'inspirateur, l'idéologue, c'est assurément Pol Pot. Mais pour les Cambodgiens, c'est une mystérieuse et redoutable organisation, l'ANCAR, qui décide de tout. Et une organisation qui recouvre quoi? La direction du Parti communiste, un parti d'inspiration maoïste. Donc l'ANCAR va régner sans partage sur le pays, avec droit de vie et de mort. Mmh. On connaît la politique systématique de déportation. Des déportations qui vont se traduire par des centaines de milliers de morts. Car en dehors des exécutions, il y a aussi tous ces citadins à qui on imposera des travaux forcés et qui finiront par mourir d'épuisement ou de maladie. Certains historiens parleront de 3 millions de morts. Mais le chiffre le plus raisonnable semble être 1 million. 1 million et demi. Et c'est suffisamment épouvantable comme ça, car ça signifie qu'un cinquième de la population a péri. Oui. Vous avez raison, mais je voulais vous demander, là, quelles sont les autres mesures radicales décidées par les Khmers rouges? La monnaie est supprimée, ainsi que toute forme d'économie de marché. Le collectivisme est désormais la ligne qui prévaut dans tous les secteurs. Et comme l'avenir, c'est la campagne, la population tout entière doit travailler aux champs, construire des canaux et des barrages. Le pays devient une immense prison. Et puis il y a également cette dimension raciste dont je vous parlais. Tous les citoyens d'origine étrangère sont tués ou expulsés, même les Chinois. Et en dépit de l'alliance avec Pékin? Oui, il faut aussi souligner que tout de suite, les Khmers rouges affichent leur hostilité envers le voisin vietnamien. Un voisin qui est pourtant devenu également communiste. Peu importe, pour Pol Pot et les siens, le Vietnam est d'abord l'ennemi héréditaire. Les troupes cambodgiennes sont massées sur la frontière dès le début de la révolution. Et plusieurs incidents éclatent avec les soldats vietnamiens. Et que devient alors Sihanouk qui dirigeait un gouvernement en exil dont faisait partie les Khmers rouges, hein, c'est ça? Prudemment, Sihanouk ne se rend pas tout de suite dans son pays. Ah, il se méfie. Vraisemblablement, mais quelques mois après la prise de Phnom Penh, une délégation Khmer rouge se rend en Corée du Nord où réside alors Sihanouk et on lui propose de devenir chef de l'État à vie. Pourquoi les Khmers rouges ont besoin de lui? Oui, sur le plan international, Sihanouk représente une garantie de respectabilité. Pourtant, Sihanouk a longtemps été anticommuniste, n'a pas grand-chose à voir avec ces révolutionnaires radicaux. C'est vrai. Mais au temps de la résistance contre le régime de Long Nol, il a été leur allié. Et Sihanouk finit par accepter ce poste qu'on lui propose. Sans doute ne connaît-il pas encore quelle est la nature du régime qu'il va présider. mais il va vite comprendre. Alors, il revient donc dans son pays. À la fin de cette terrible année 75, mais il démissionne au bout de 4 mois. Et c'est Khieu Sampan qui lui succède à la tête de l'État. Et que devient Sihanouk? Il n'est pas autorisé à repartir et vit dans son palais en résidence surveillée. Les Khmers rouges n'ont pas osé se débarrasser physiquement de lui, quand même. Non, mais plusieurs membres de sa famille seront persécutés et même exécutés. Est-ce qu'un régime carcéral comme celui des Khmers rouges est viable à terme? À l'évidence, non. Et pour plusieurs raisons. D'abord à cause de l'économie. Le collectivisme forcé a ruiné l'agriculture et le pays va connaître la disette. Et ça fera de nouvelles victimes. Ensuite, il y a la pression de l'opinion internationale qui découvre horrifiée que le Cambodge est devenu un camp d'extermination. À partir de quand, sait-on? Assez vite, malgré la chape de plomb qui pèse sur le pays. Chez nous, des témoins comme le journaliste François Debré ou le jésuite François Ponchot publient des ouvrages qui décrivent très précisément les horreurs perpétrées par les Khmers rouges. Mais pour d'autres raisons, il était clair que ce régime de terreur ne pourrait pas durer. Par exemple? Les luttes internes. Tout au long de ces années effroyables, les Khmers rouges n'ont cessé de se diviser. Et à chaque fois, ça s'est naturellement traduit par des purges sanglantes. Mais c'est surtout du Vietnam que venait le danger. Les incidents militaires ne vont cesser de se multiplier entre les deux voisins qui sont, rappelons-le encore, des ennemis traditionnels, même s'ils ont pactisé provisoirement lors de la lutte contre les États-Unis. Est-ce qu'on peut y voir une manifestation de la rivalité sino-soviétique? C'est évident. Et les dirigeants vietnamiens sont particulièrement préoccupés, parce qu'ils ont l'impression d'être pris en sandwich entre deux voisins maoïstes. Au nord, la Chine, à l'ouest, le Cambodge. Il leur fallait donc que tôt ou tard desserrer cet étau. Et les nationalistes cambodgiens vont leur fournir un prétexte en harcelant leurs troupes sur leurs frontières communes. Pourtant, le Cambodge a tout à perdre d'une confrontation qui semble inévitable. Parce que l'armée cambodgienne ne pourra pas résister face à la puissance militaire vietnamienne. C'est sûr. Et à la fin de l'année 78, les Vietnamiens vont déclencher une attaque foudroyante qui se terminera par la prise de Phnom Penh. Ils ont agi avec d'autant plus de détermination qu'ils sont assurés du soutien de l'opinion internationale. Ouais, parce qu'ils vont débarrasser le Cambodge des Khmers rouges, c'est ça? Enfin, ce n'est pas si simple. Certes, les Khmers rouges vont devoir se replier dans les confins du pays, mais ils résisteront. Et ils recevront des appuis inattendus. Qui? Les Américains, par exemple. Ah bon? Ces mêmes Américains qui, en exportant la guerre au Cambodge en 1970, étaient pourtant directement responsables de l'arrivée au pouvoir des Khmers rouges et du génocide qui s'en est suivi. Mais si vous le voulez, on en reparlera. Combien de morts au Cambodge sous le régime des Khmers rouges? Paradoxalement, c'est grâce à leur système bureaucratique qu'on le saura un jour, si j'en crois un article de Jean-Claude Pomonti, paru dans Le Monde en juin 97. Je cite. Les archives bien classées du ministère du Commerce, 75-76, ont été retrouvées l'an dernier. D'autres découvertes devraient suivre, offrant des indications encore plus précises sur le mode de fonctionnement de l'ANCAR. Sur ce plan-là, au moins, le régime des Khmers rouges paraît avoir été d'une cohésion surprenante pour un pays qui appartenait à l'époque au quart-monde, privé généralement d'électricité, de médicaments, d'eau potable, de médecins, avec des villes vidées d'une grande partie de leur population. Au sommet, une nomenclature réduite, secrète, qui rêve l'impossible et voit partout le complot. Si elle trouve les moyens de financer des recherches nettement plus importantes que prévues, les enquêtes en cours permettront peut-être de dresser dans quelques années un premier bilan. Cependant, on se demande déjà si le chiffre avancé en 1979 par les Vietnamiens pour des raisons d'opportunité, 3 millions de victimes, n'est pas plus proche de la réalité que le million des chercheurs des années 80. L'énormité de ce qui se serait alors produit, près de la moitié d'une population rayée de la carte, rejoindrait alors le témoignage quotidien.